Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 18. Pourquoi cette sagesse secrète est encore comparée à un escalier? Il nous reste à voir, en second lieu, pourquoi l'on dit encore de cette contemplation secrète, qu'elle est un escalier ou une échelle, parmi beaucoup d'autres raisons qu'on peut en donner, voici la première, ne se sert-on pas d'une échelle pour escalader les forteresses et s'emparer des richesses qu'elle renferme? De même l'âme, grâce à la contemplation secrète, s'élève sans savoir comment jusqu'à la connaissance et à la possession des biens célestes, le prophète royal l'affirme en disant, « Heureux est l'homme qui attend de vous son secours. Dans cette vallée de larmes, il dispose en son cœur des degrés, pour s'élever jusqu'au lieu où il veut arriver, à cela le législateur donnera sa bénédiction. Ils s'avanceront de vertu en vertu, et verront le Dieu des dieux d'Ancion. » Psaume 80, 6, 7, 8, c'est-à-dire qu'ils posséderont les trésors de cette forteresse de Sion, qui est la béatitude éternelle. Nous appelons en second lieu la contemplation un escalier, parce que les degrés d'un escalier servent également à monter et à descendre. De même les communications reçues dans cette mystérieuse contemplation portent l'âme à s'élever jusqu'à Dieu, et à s'humilier en elle-même, les dons divins ont cela de propre qu'ils abaissent et élèvent l'âme tout à la fois, car dans cette voie, descendre c'est monter, et monter c'est descendre, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé, Luc 14, 11. La vertu d'humilité est une véritable hauteur que l'âme s'exerce à gravir. Dieu a l'habitude de la faire monter par cet escalier afin qu'elle descende en elle-même, comme il l'a fait descendre pour l'élever, afin que se réalise cette parole du sage, « Le cœur de l'homme s'élève avant d'être brisé, il est humilié avant d'être élevé en gloire. » Proverbe 8, 12. En troisième lieu, ce mot d'escalier nous indique parfaitement, si l'on veut y regarder de près, combien de variations l'âme subit dans cette voie, en mettant de côté les effets spirituels, la plupart du temps insaisissables. L'âme reconnaîtra là le symbole de ses prospérités subites, aussitôt suivies d'orages et de tribulations, si bien qu'il lui semble n'avoir goûté ses consolations que pour être plus forte et mieux préparée à soutenir ses revers, c'est ainsi qu'à la disette et à la tourmente succèdent l'abondance et la paix. L'âme comprend qu'avant les joies de la fête, elle a dû passer par l'épreuve et la préparation d'une sorte de vigile, telle est la marche ordinaire et la loi de cet état de contemplation, où l'on subit la continuelle alternative de monter et de descendre, et où l'âme ne possède point d'équilibre stable, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au parfait repos, la perfection, qui consiste dans le parfait amour de Dieu et dans le mépris de soi, ne peut exister sans la double connaissance de Dieu et de soi-même. Le Seigneur doit donc nécessairement enseigner à l'âme l'une et l'autre science, tantôt l'exaltant et lui faisant goûter les douceurs de celle-ci, tantôt l'humiliant par les épreuves de celle-là, jusqu'à ce que l'âme affermie dans l'habitude parfaite des vertus échappe à ses mouvements contraires, car elle parvient alors à l'union avec Dieu, qu'elle trouve au sommet de l'échelle mystique et en qui elle se repose. Les degrés de cette contemplation qui dérive de Dieu sont figurés en effet par l'échelle que Jacob vit dans son sommeil et sur laquelle les anges montaient et descendaient, allant de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu qui se tenait au sommet de la mystérieuse échelle, Genèse 28, 12, 13. La Sainte Écriture nous apprend que ce songe arriva de nuit, pendant le sommeil de Jacob, pour nous insinuer combien la voie qu'on doit suivre pour monter à Dieu est secrète et différente de celle que peut tracer le jugement humain, et c'est chose facile à comprendre, car chaque jour il nous arrive de regarder comme un malheur ce qui nous serait un grand bien, comme de nous oublier et anéantir. Au contraire, nous tenons pour meilleur et plus heureux le plaisir passager de jouir des consolations sensibles, qui causent souvent notre ruine. Pour aller maintenant au fond du sujet, et pour parler de la raison majeure qui fait de la contemplation intime une sorte d'échelle mystique, nous dirons que ce nom lui vient surtout de ce qu'elle est une science d'amour. Cette connaissance illumine et embrase l'âme en même temps, pour la faire monter de degré en degré jusqu'à son souverain bien. Il n'appartient qu'à l'amour d'unir la créature au Créateur. Mettons cette vérité dans une plus grande lumière, et indiquons ici les différents degrés de cet escalier divin, énumérant succinctement les signes et les effets de chacun d'eux. D'après saint Bernard et saint Thomas, on pourra ainsi apprécier, d'une certaine manière, quel degré on a atteint. Cependant, il faut dire que nous n'avons naturellement aucun moyen de les connaître, et de les définir parfaitement. Cet escalier d'amour étant le secret de Dieu, qui seul mesure ces choses et les pèse dans sa main. Chapitre 19. Exposition des 10 degrés de l'échelle mystique, d'après saint Bernard et saint Thomas, et d'abord, des 5 premiers. Nous disons donc, que les degrés de cette échelle d'amour, par lesquels l'âme s'élève successivement jusqu'à Dieu, sont au nombre de 10. Le premier met l'âme dans une langueur qui lui est très favorable, et dont l'épouse des cantiques parle quand elle s'écrie, « Je vous conjure, ô fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire que je languis d'amour. » Cantique 5, 8. Cette maladie n'est point de celles qui conduisent à la mort, mais sert à manifester la gloire de Dieu. Grâce à elle l'âme, pressée de l'amour divin, meurt assez convoitisée à tout ce qui n'est pas son Dieu. Ainsi que le prouvent ces paroles de David, « Mon âme est tombée dans la défaillance » Psaume 142, 7, « Dans l'attente de votre secours » Psaume 118, 81, comme il l'ajoute dans un autre psaume, en perdant l'appétit et le goût, le malade change de visage, ainsi l'âme dans ce degré d'amour perd le goût et l'attrait des choses créées, et ses traits s'altèrent comme ceux d'un amant passionné. Or, la langueur n'atteint l'âme que si elle reçoit d'en haut ce feu brûlant, qui excite en elle cette espèce de fièvre spirituelle dont parle David dans ce verset, « Vous enverrez, ô Dieu, une pluie de votre choix sur l'âme qui est votre héritage, elle en tombera malade, mais vous, par ce moyen, vous l'aurez perfectionné. » Psaume 67, 10. Cette fièvre et ce dégoût de toute chose créée sont le premier degré que l'on rencontre, dès le début, en allant à Dieu. Nous nous en sommes suffisamment expliqués plus haut, quand nous parlions de l'anéantissement où l'âme se voit plongée à l'entrée de la voie purgative, lorsqu'elle met le pied sur cette échelle de la contemplation, et ne trouve ni appui, ni goût, ni consolation, ni repos, de sorte que de ce premier degré elle passe aussitôt au suivant. Au second degré l'âme se sent poussée à une incessante recherche du Seigneur, l'épouse languissait pendant la nuit, et cherchait son bien-aimé sur la couche où la retenait la langueur de ce premier amour, ne l'ayant pas trouvé. Elle s'écrie, « Je me lèverai, je chercherai celui qui est le bien-aimé de mon âme. » Cantique 3, 2, sollicitude pleine d'ardeur et conforme au conseil de David, « Cherchez le Seigneur, sans cesse chercher sa face. » Psaume 104, 4, virgule, et ne vous arrêtez à rien avant de l'avoir trouvé. Ainsi faisait l'épouse qui, après avoir demandé au garde où était son bien-aimé, passa outre et les quitta. De même Marie-Magdeleine, qui ne fit nulle attention aux anges du sépulcre, Parvenue à ce degré, l'âme éprouve un si grand besoin de son bien-aimé, que partout elle le cherche, en tout ce qu'elle pense, son souvenir revient à lui, en tout ce qu'elle dit, en tout ce qu'elle fait, elle parle de lui, elle s'occupe de lui, qu'elle mange, qu'elle dorme, qu'elle veille ou qu'elle agisse, tout se rapporte à son bien-aimé. Comme nous l'avons dit en parlant des anxiétés de l'amour, mais ici l'amour n'est déjà plus languissant, il a pris des forces en ce second degré, et va bientôt, grâce à une nouvelle purification ténébreuse, passer au troisième, qui produit les effets suivants. D'abord il communique à l'âme une vive ardeur, qui la presse d'agir et l'empêche de tomber dans la moindre défaillance. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, sa volonté sera tout entière à ses commandements. Psaume 111, 1, dit le prophète royal. Or si la crainte, qui est la fille de l'amour, cause une telle énergie de volonté, que ne fera pas l'amour lui-même? Quand on est parvenu à ce degré, on tient pour bien petites toutes les grandes choses que l'on peut faire pour le bien-aimé, leur nombre ne semble rien. Et l'incendie d'amour qui embrase le cœur, fait paraître toujours trop courtes les longues heures passées à son service. Ainsi Jacob, épris de Rachel, comptait pour rien les 7 nouvelles années de service qu'il avait dû ajouter aux premières. Genèse 29, 20. Si l'amour de Jacob pour une créature était si puissant, quels ne seront pas les effets merveilleux de l'amour du Créateur, quand il s'empare d'un cœur arrivé à ce troisième degré? L'amour excessif auquel l'âme est en proie, lui fait sentir, avec d'amers regrets, combien ses œuvres sont peu en rapport avec des désirs qui iraient jusqu'à lui faire souhaiter, et trouver doux, de se donner 1000 fois la mort pour Dieu. Malgré cela, elle se croit un être fort inutile et dont la vie est stérile. Il en résulte un autre admirable effet d'humilité, l'amour lui montrant d'abord tout ce que l'on doit à Dieu, puis lui faisant estimer défectueuses et imparfaites les actions qu'elle fait pour lui. Elle se croit la plus mauvaise des créatures, ses œuvres lui paraissant indignes du divin maître. Elles sont à ses propres yeux une nouvelle source de confusion et de peines intimes. Aussi est-elle loin d'avoir des sentiments de vaine gloire ou de présomption, et de se laisser aller à condamner les autres. Ces effets et beaucoup d'autres analogues sont produits à ce troisième degré, et l'âme y puise le courage et la force dont elle a besoin pour gravir l'échelon suivant. Le quatrième degré de cette échelle d'amour est un état de souffrance habituelle, supporté pour le bien-aimé sans jamais se lasser. Car, selon la parole de saint Augustin, l'amour réduit à néant les fardeaux les plus lourds, de Bono Vidui, Migne, Patrologia Latina, tome 40, chapitre 21, page 448. L'épouse des cantiques parvenue à ce degré, est désireuse de le franchir pour arriver au dernier, s'adresser ainsi à l'époux, mettez-moi comme un sceau sur votre cœur, comme un sceau sur votre bras, parce que l'amour est fort comme la mort, et le zèle de ses désirs ardent comme l'enfer. Cantique 8,6. L'esprit acquiert alors une telle vigueur, qu'il tient la chair entièrement soumise, et ne s'en soucie pas plus que l'arbre d'une feuille qui tombe. L'âme n'éprouve plus le besoin de chercher sa consolation ni son plaisir soit en Dieu, soit en aucune chose. Elle ne demande plus à Dieu de faveur dans un but de consolation égoïste ou d'intérêt propre, mais toute sa sollicitude est de s'efforcer de lui plaire et de le servir à tout prix, par l'unique considération de ce qu'il mérite et de ce qu'elle a reçu de lui. Mon Dieu, mon Seigneur, s'écrie-t-elle de cœur et d'âme, combien grand est le nombre de ceux qui cherchent en vous la consolation et la joie, ou qui tiennent à vos grâces et à vos faveurs, mais qu'il est restreint le nombre de ceux qui veulent vous plaire et vous servir, même aux dépens de leur personne et de leurs intérêts. La volonté de nous combler de vos grâces ne vous manque certes pas à vous, Seigneur, Mais il nous manque toujours, à nous, celle d'employer à votre service les bienfaits que nous avons reçus, pour vous obliger en quelque sorte à nous les renouveler sans cesse. Quelle n'est pas la sublimité de ce degré d'amour, où l'âme pressée par une ardeur irrésistible s'élance à la poursuite de son époux avec un immense désir de souffrir pour lui, en retour, l'amour infini du Verbe de Dieu ne pouvant supporter de voir languir sa bien-aimée sans la soulager, vient ordinairement la visiter, et l'admet aux plus savoureuses douceurs et aux plus délicieuses jouissances de l'esprit. « Je me suis souvenu de vous, nous dit-il dans Jérémie, et j'ai eu compassion de votre jeunesse, quand vous m'avez suivi dans le désert, Jérémie, 2, 2, c'est-à-dire, au sens spirituel du mot, dans le détachement intérieur de toute créature, qui ne permet ni de s'arrêter ni de se reposer en quoi que ce soit de créer, ce quatrième degré embrase l'âme. » Elle est dévorée d'un si vif désir de Dieu qu'elle hâte de monter plus haut. C'est le cinquième degré, il imprime à l'âme une sainte impatience d'arriver à Dieu, son bien-aimé, de s'unir à lui et d'en jouir. L'amour de l'épouse est alors si violent que tout retard, si court soit-il, lui paraît onéreux, insupportable, et sans fin. Partout elle croit rencontrer l'objet de son amour. Et quand elle se voit frustrée dans son attente, ce qui lui arrive pour ainsi dire à chaque instant, elle languit et défaille selon le langage du psalmiste. Mon âme soupire, et tombe de défaillance dans les parvis du Seigneur. Psaume 83, 3. Ici l'amant veut s'unir à son souverain bien ou mourir, semblable à Rachel qui, dans son désir d'avoir une postérité, disait à Jacob, donnez-moi des enfants, ou je mourrai. Genèse 30, 1. L'âme se nourrit donc d'amour et s'en rassasit selon sa faim. C'est ce qui la prépare à monter au sixième degré dont nous allons énumérer les effets. Chapitre 20. Les cinq derniers degrés de l'amour. Au sixième degré, l'âme court vers Dieu d'un pas plus rapide et plus léger. Son espérance fortifie et ne connaît plus de défaillance. L'amour lui donne des ailes. Isaïe nous en parle ainsi. Ceux qui espèrent dans le Seigneur sentiront naître des forces nouvelles. Ils auront des ailes comme l'aigle. Ils courront sans fatigue. Ils marcheront toujours sans se lasser. Isaïe 40, 31. Comme le cerf soupire après les eaux. Dit encore à ce sujet le psalmiste, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Psaume 41, 1. Le cerf pressé par la soif ne s'élance-t-il pas rapide à la recherche des eaux vives? Or, la charité qui s'est dilatée dans l'âme, et la purification presque totale qui s'est faite en elle, lui donne une semblable agilité, selon l'expression de David. J'ai préservé mes pas de toute iniquité, ainsi je suis heureux accent aigu, et j'ai couru vers vous. Psaume 58, 5. J'ai couru, dit-il encore, dans la voie de vos commandements, lorsque vous m'avez dilaté le cœur. Psaume 118, 32. De là l'âme passe ensuite à l'autre degré. Au septième degré, l'âme est remplie d'une sainte hardiesse, violemment emportée par l'impétuosité de cette force amoureuse, elle n'attend plus pour agir la délibération de son jugement, elle ne demande plus au conseil sa prudence pour se modérer, la vaine pudeur n'est plus capable de la retenir, parce que les faveurs dont Dieu la comble alors la font agir avec une intrépide audace. En elle se vérifie cette parole de l'apôtre, la charité croit tout, espère tout, souffre tout. 1 Corinthiens 13, 7. Moïse agissait ainsi lorsqu'il disait au Seigneur, « Je vous conjure de pardonner à ce peuple cette faute, ou, si vous ne le faites pas, effacez mon nom du livre de vie où vous l'avez inscrit. » Exode 32, 3i, 32. Ces âmes obtiennent de Dieu tout ce qu'elles se sentent inspirées de lui demander. Selon ce mot de David, mettez vos délices dans le Seigneur, et il vous accordera ce que votre cœur désire. Psaume 36, 4. Dans cet état l'épouse s'enhardit jusqu'à lui demander un baiser de sa bouche. Cantique 1, 1. Toutefois, remarquons-le bien, l'âme ne doit pas se hasarder à solliciter une telle faveur, à moins de sentir intérieurement que le roi est disposé à incliner vers elle le sceptre de sa bienveillance. Esther 8, 4. De peur de se voir précipiter des degrés qu'elle a déjà gravis, et où l'humilité peut seule la soutenir. Cette liberté, cette hardiesse que l'âme reçoit de Dieu, l'encourage à s'approcher toujours davantage du foyer de son amour. Elle se dispose ainsi à monter au huitième degré, où l'attend la joie de posséder son bien-aimé et de s'unir à lui. Dans ce huitième degré, en effet, l'âme étreint son bien-aimé et s'attache inséparablement à lui, selon la parole de l'épouse, « J'ai trouvé celui qu'aime mon âme, je me suis emparé de lui et ne le laisserai point aller. » Cantique 3, 4, virgule. Les désirs de l'âme sont satisfaits, mais non d'une manière stable, car à peine est-on arrivé à goûter ce bonheur qu'on doit y renoncer, autrement ce serait, pour ainsi dire, jouir en cette vie de la béatitude éternelle. Le prophète Daniel connut ce bonheur, paraît-il, lorsqu'il lui fut dit de la part de Dieu de se maintenir dans son degré parce qu'il était un homme de désir. Daniel 10, 11, parvenu au neuvième degré, qui est celui des parfaits, l'âme se sent brûlée et consumée d'une ardeur toute suave pour Dieu. Cette suavité et cette ardeur sont entretenues directement par l'Esprit Saint, à raison de son intime union avec Dieu. C'est pourquoi Saint Grégoire dit qu'au moment où les apôtres reçurent visiblement le Saint-Esprit, ils furent enflammés d'un feu intérieur extrêmement suave. Saint Grégoire Trentin Evangile Migne, Patrologia Latina tome 76, page 1220. Il est impossible de décrire tous les biens et toutes les grâces dont Dieu favorise l'âme dans cet état, aussi nous arrêterons-nous ici, nous réservant d'ailleurs de revenir plus tard sur ce sujet. Nous dirons seulement que de ce degré on arrive au dixième de l'échelle d'amour, lequel n'appartient plus à cette vie. Au dixième et dernier degré l'âme, après avoir rompu les liens de la chair qui la retenait captive ici-bas, est totalement assimilée à Dieu par la claire vision dont elle jouit immédiatement. Les âmes qui atteignent ce sommet sont en petit nombre. L'amour a opéré en elles cette purification complète que le purgatoire accomplit ordinairement chez les autres après la mort. C'est pourquoi Saint Matthieu nous dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Citation verset 5, 8. Or, comme nous l'avons déjà exposé, cette vision produit la ressemblance complète de l'âme avec Dieu. D'après ce mot de Saint Jean, nous savons que, lorsque Jésus-Christ se montrera dans sa gloire, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. L'âme deviendra alors par tout son être semblable à Dieu, aussi pourrait-on l'appeler, en effet, Dieu par participation. Tel est l'escalier secret dont parle l'âme dans cette strophe. À la vérité, il l'est moins dans les degrés supérieurs, car l'amour qui opère de si grands effets, dévoile bien des merveilles, mais, dans l'état de la claire vision, qui est le sommet de l'échelle mystique où Dieu daigne se reposer, il n'y a plus rien de caché pour l'âme, tant sa ressemblance avec Dieu est parfaite. Notre adorable Sauveur ne dit-il pas en ce sens, en ce jour, là vous ne m'interrogerez plus sur rien, Saint Jean, 16-23, jusque-là néanmoins, à quelque élévation que l'âme soit parvenue, il y aura toujours pour elle, et en proportion de son assimilation plus ou moins complète à la divine essence, des mystères impénétrables, Voilà le secret de la théologie mystique ou de l'amour, par lequel l'âme sort d'elle-même et de toutes les créatures pour aller à Dieu, car l'amour est comme le feu, il monte toujours en haut et semble vouloir chercher son centre dans la sphère supérieure.